les diurnes sur une voie proche. Riderski. Porté par les ancêtres. Oh, stable et mémoire. Il garde chaque pas. Chaque erreur, chaque victoire, comme un écho qu'on ne voit pas. J'avance sans bruit dans l'invisible, Redeskill guide toujours lisible. Je suis le souffle entre deux rafales, je suis l'attente dans l'arène pâle. Je n'élève pas la voix, je l'enracine. Elle parle quand l'heure décline. Les machines oublient les dunes, non. Riderskill inscrit sa direction. Craft, silence, lumière tamisée. Le stream devient une pensée sacrée. Chaque view est un témoin discret de la marche lente d'un secret. Riderskill marche entre les monts. Sous le sable, les voix profondes. Le désert l'écoute et le reconnaît. Riderskill jamais ne disparaît. Il ne cherche pas l'ennemi. Il le dissout dans le vent. J'ai bâti dans le sable ce que d'autres s'effacent. Mais mes fondations vibrent, elles embrassent. Riderskill n'est pas un joueur, c'est une présence, une lueur. Le live devient rituel. Suspendu essentiel. Et chaque moment partagé ici transforme le désert en infini. Riderskill murmure dans vos écrans. Riderskill murmure dans vos écrans. Quand vous regardez, il devient vivant. Le désert l'a choisi, il en est la voix. Le désert l'a choisi, il en est la voix. Il est long et le choix. Fermez les yeux, le désert vous parle encore. Vous pas.